couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 et sur Fadjet.net. J'ai le plaisir de recevoir le duo Strasbourgeois to Magnets. Entre le folk et le blues, des chansons mêlant chronique sociale et poésie. Coucou à vous, mes amis alsaciens. On est avec Sophie et David. J'ai le plaisir de vous recevoir eh bien, pour présenter votre projet musical entre folk et blues. Un projet qui n'est pas récent, puisqu'on a déjà un EP, deux albums et deux singles qui sont sortis. Alors, j'ai envie de dire que vous êtes déjà un peu dans le game. Vous êtes dans le game de la musique, là. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Oui, on existe depuis 2019. Et en 4 ans, j'en ai vu des groupes. Vous avez eu un beau concert la semaine dernière pour les NJP Poursuites, les Off des NJP. C'était au Bartom le 7 octobre. Sacrée expérience quand même. C'est sympa, ouais, c'était ça. C'était un très chouette concert. Qu'effectivement, du coup, faire l'ouverture... Une Nancy Jazz Pulsation, c'est quand même une chouette opportunité, une belle occasion. Voilà. Et nous, je pense que le public a été ravi de vous découvrir au Bertom, un bar que je connais bien. J'imagine bien l'ambiance qu'il y a eu, puisque comme deux aimants, vous avez su attirer la foule, n'est-ce pas? Oh, absolument. qu'on peut dire sans trop de prétention qu'on a mis une bonne ambiance. Que vous avez mis une bonne ambiance. Deux aimants. Pourquoi deux aimants? Pourquoi two magnets? Parce qu'on trouvait que ça marchait bien pour un duo et un duo qui se complète bien. Donc voilà, c'est un peu comme deux aimants qui s'attirent. Je l'aurais pas mieux dit. Vous êtes sur Bandcamp. toomagnets.bandcamp.com, Facebook, Instagram, toomagnets.music@gmail.com, évidemment, YouTube avec des clips. Un certain nombre, ouais. À l'origine, en fait, toomagnets, c'était un groupe qui avait plutôt une vocation studio et en ligne. On n'avait pas forcément l'intention de faire des concerts. Donc, on a sorti quelques titres. C'était, voilà, c'était pas la volonté, on avait chacun nos projets musicaux, plutôt rock au passage, et au début on voulait faire quelques titres folk sans prétention, qu'on a mis en ligne, et on s'est laissé convaincre par des amis d'aller quand même faire une petite presta live, parce que c'était en plus de ça le contexte du confinement, donc une formule folk duo, c'était plus facile à faire jouer qu'un gros groupe de rock. Et là, 3 ans plus tard, eh bien, on s'apprête à faire notre 100e concert dans quelques jours. Centième concert, la vache. Pour le plus grand bonheur du public, de la Presta Live, mais aussi, comme je l'ai dit, déjà 2 singles et 3 projets qui sont disponibles. On a l'EP Songs for the Bath Part 1. On attend toujours la Part 2. Et vous pouvez l'attendre longtemps. On peut l'attendre longtemps. Ah là là, il y a une manche. Voilà, on est du genre à ouvrir une parenthèse sans jamais la refermer. Daily Unknowns et Two Magnets of a Kind. Et puis 2 singles qui sont sortis et qui, je l'imagine, vont faire partie d'un 4e projet, dans un 3e album. C'est tout à fait l'idée. Alors, rien n'est encore officiel, mais il se peut qu'en 2024, on sorte un 3e album. Il paraît que le train est sur des rails et qu'on est en train de le charger de marchandises. Voilà. Oh là là là là, attention, ça c'est du teasing sans faire trop de teasing. Et c'est ça qu'on aime sur Fadjet, dans Couleur Locale, au 94.2 FM à Nancy et sur Fadjet.net avec un podcast sur Radio Fadjet. Est-ce que vous auriez un petit conseil à donner à tous nos auditeurs musiciens qui veulent se lancer? Bon courage. Non, j'aurais envie de dire qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire et pas trop se laisser dicter les codes des autres, justement. Essayer de s'approprier les siens, en fait. Et puis, des fois, il y a des gens qu'il ne faut pas écouter. Puis, suivre sa propre voix, et ça marche très bien. Suivre sa propre voix et peut-être parfois échapper à la tempête, à l'ouragan de la vie et ne pas se laisser amadouer par les tyrans, puisque vous le savez, la meilleure façon de ne pas avoir à se rendre, c'est déjà de ne pas obéir. Est-ce que ça vous parle? C'est une belle façon d'amener notre single Escape the Hurricane qui fait partie de notre 3e album. C'est un titre qui est inspiré en partie d'un livre de Étienne de la Boétie, Discours sur la servitude volontaire. Oui, Sophie a composé l'air. Nous étions en tournée, en l'occurrence sur l'île d'Oléron, et Sophie a composé l'air et moi j'étais à côté le nez dans mon bouquin, et en l'occurrence dans ce bouquin, Discours sur la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. C'est un bouquin qui n'est pas de toute première jeunesse, il a quelques siècles désormais. Et voilà, ça, derrière, on a écrit ces paroles. Alors, c'est une version un petit peu moderne, mais du truc. Et l'ouragan en question, c'est un petit peu les injonctions des temps modernes sur le fait de se conformer à certaines choses, va travailler, comporte-toi de telle manière, pense de telle ou telle façon. Suis cette voie au lieu de suivre la tienne, comme je disais Voilà. avant, par exemple. Voilà, te plains pas trop, remets pas trop en question. Et donc, c'est cet ouragan-là duquel on invite à s'échapper dans cette chanson. Eh bien, on va s'échapper de cet ouragan. Faites ce que vous voulez et abat les tyrans sur Fadjet dans Couleur Locale avec Two Magnets à Nancy. It's alright, yourself and one more day, in a nashi and a fly, with nothing more to say, except it's alright, you're not a price to pay, you don't have to surrender if you never obey, to things that I've been done, to things that I've been known, the wheel of today is the storm of tomorrow, and tomorrow exists. I'll be there, my friend. She'll tell you the words of an happy end. Well, it's alright. Yourself and one more day. In a nashi and a fly. With nothing more to say. Except it's alright. You're not a price to pay. You don't have to surrender if you never obey. Silent train, which doesn't say its name. You cross till the next lane to escape the hurricane. All the things that I've been down. Well, the wind of today is the storm of tomorrow. And if tomorrow exists, I'll be there, my friend, to tell you the words of a happy end. Well, it's alright. Well, it's alright. Escape the Hurricanes de Two Magnets, issu de leur album Two Magnets of a Kind sur Fadjet, dans Couleur Locale 94.2 FM à Nancy et sur Fadjet.net. Dans les power duo, moi j'aime bien savoir un peu la dynamique de composition, d'écriture, de travail. Ça m'intéresse peut-être même encore plus que dans des groupes avec plus de monde. J'ai envie de savoir qui porte la culotte. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai envie de savoir qui fait quoi. Comment ça se coordonne? Comment deux univers fusionnent ensemble? Qui écrit? Qui compose? Et peut-être que vous allez me répondre, ben, tout le monde fait un peu tout. Ah, je vais répondre qu'il n'y a pas de recette magique à ça, que c'est assez aléatoire. Il y a des morceaux qui vont venir d'un côté, qui vont venir de l'autre. Mais bon, comme on est deux aimants, on se complète bien, on va dire. Après, la plupart des textes sont quand même écrits par David, parce que cet homme a une plume incroyable, il faut le dire. Voilà. Et derrière, moi, je viens me greffer, faire des chœurs, trouver des mélodies de voix un peu originales, trouver des mélodies de guitare aussi, voilà, que ce soit des arpèges ou des choses comme ça. Donc, Ça, c'est aléatoire au final. Ça dépend des inspirations et des titres. Ouais, ça dépend. Après, sur la composition en elle-même, notamment sur les textes, on a l'habitude de dire qu'on fait de la chronique sociale teintée de poésie, c'est-à-dire qu'on s'inspire du monde qui nous entoure, des faits de société auxquels on peut tous être confrontés, et on met ça en musique, en fait, pour d'une certaine manière toucher notre public qui se retrouve confronté au même tourment que les nôtres, quoi. Donc, ça permet d'être plus proche des gens aussi, et puis plus proche de ce qu'on pense et ce qu'on ressent et qu'on a envie de partager, de mettre en musique. Voilà. Est-ce que tu valides, David? Ah oui. Non, il n'avait pas l'air d'accord. Si, si. Attention, attention, tout magnète se sépare en live. Sur Fadjet, dans couleur, je plaisante. Très, très bien. Il y a l'air d'avoir une osmose assez palpable. En même temps, pour deux aimants, c'est un peu normal. On va peut-être arrêter de faire cette comparaison au bout d'un moment. C'est beaucoup trop facile. Folk, Ouais, blues, oui. c'est pas le jour pour ce Fadjet. Oh! Oh! Attention, nous avons un player, new player, nous avons un blagueur avec nous. Et oui, effectivement, on ne va pas se fadjer sur. sur Fadjet, une osmose. Moi, j'adore les power duos, vraiment, j'adore les duos, et surtout quand il y a un homme et une femme, et n'y voyez là aucun sous-entendu, même si pour rien. Mais nous ne sommes pas encore minuit. Est-ce que vous avez les mêmes influences, les mêmes inspirations? Est-ce que vous vous retrouvez là-dessus également? Dans ce qu'on écoute, tu veux dire, ou Ouais, c'est ce que vous écoutez, ce qui vous inspire. Ah, peut-être pas tout à fait, j'ai l'impression. Ben, pas Attends. tout à fait. Après, on vient un peu des mêmes sphères, David et moi, malgré tout. Comme il le disait tout à l'heure, on est musicien aussi dans des groupes de rock. Hein, voilà. Oh yeah. Moi, j'ai écouté et j'écoute toujours beaucoup de métal, en fait. Hein, Ah voilà. ouais. Et particulièrement du stoner, du psyché, ce genre de choses-là, ça me parle beaucoup. La folk, c'est quelque chose que j'ai peu écouté au final, mais où je me suis souvent retrouvée toute seule avec ma guitare à écrire, fredonner des chansons, écrire des chansons, faire des reprises de standards de jazz, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui m'est venu de manière assez naturelle. Voilà, ça c'est un peu pour mes influences à moi. Celle de David, je vais te laisser en parler, toi, tu seras plus à même de le faire. Moi, j'ai fait un cheminement assez étrange avec les années, c'est-à-dire que, il y a une quinzaine d'années, j'ai accroché sur le heavy metal Oh et yeah. le thrash metal et le death metal et le grindcore. Donc, j'étais tout dans les scènes musicales assez vénères. Et en fait, plus le temps a avancé et plus je suis retourné dans le passé musicalement. C'est-à-dire qu'après, il y a 10 ans, j'ai eu une immense phase rock 70s. Après, pop rock 60s, et puis au fur et à mesure, j'en suis arrivé jusque dans le jazz des années 30, et la folk, le blues de cette époque-là. Et du coup, c'est ce que j'écoute pas mal à l'heure actuelle, donc des chansons qui ont pour certaines presque un siècle. Et donc, ça fait derrière voilà, des goûts musicaux, je crois, assez éclectiques, alors avec quand même comme. Point commun et comme cohérence d'être souvent tourné autour de cet instrument que j'aime bien, qui est la guitare. Bien sûr. Voilà, mes influences sont assez vastes. Et alors, Sophie et moi, on vient pas forcément des mêmes univers musicaux. Enfin, on n'écoute pas forcément la même chose, mais enfin, on s'en retrouve pas trop mal, quoi. Mais c'est ce melting pot d'influences aussi, et des influences qui sont tant musicales qu'extra-musicales. C'est-à-dire, quand tu écoutes de la folk et de la country et du blues des années 20-30, c'est pas que la musique qui t'intéresse. C'est aussi tout le contexte dans lequel c'était enregistré, pourquoi est-ce qu'il chantait ça, pourquoi est-ce qu'il racontait ça. Et ce magma d'influence, bah, ça fait un petit peu tout notre univers à nous aussi, quoi. Un magma d'influence, un univers qui se construit avec ce power duo, tout magnets, mais qui se construit aussi par le travail, parce que j'imagine qu'on ne sort pas deux albums et un EP sans un peu se sortir les doigts, n'est-ce pas? Ah, tu l'as très bien dit. C'est vrai que on travaille pas mal. On a tendance à penser, quand on ne fait pas partie du milieu du spectacle et de la musique, Que c'est juste, voilà, comme ça, on ouais, c'est le s'éclate. talent, en fait. C'est le Voilà, qu'un talent. musicien, c'est le talent et que son travail, c'est la scène. En fait, le travail d'un musicien, c'est tout ce qui va autour. Il n'y a pas que la scène. toute la phase de composition, de répétition, mais aussi toute la phase de promotion, au final, toute l'administration qui va avec. Donc la scène, c'est une infime partie, d'une certaine manière, si je peux dire. Ah oui, et puis là, on te parlait du fait qu'on était à l'heure actuelle musicien à temps plein, mais c'est récent. Et ça, on cumulait une quarantaine de concerts à l'année, plus des boulots salariés à côté. Mm-hmm. À plein temps. Et donc, c'était une sacrée charge de travail. Alors, c'est toujours maintenant une sacrée charge de travail, c'est juste qu'elle est concentrée sur quelque chose qu'on apprécie plus, je dirais, même si, comme dans tout travail, il y a des contraintes. Et ce qui est intéressant aussi, au-delà de notre condition personnelle, enfin, le travail comme vecteur social, mine de rien, c'est une sacrée source d'inspiration. Quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît pas, quand même, quand on va lui poser la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», la première réponse, ça va être de se définir par son propre boulot. Mmh. C'est quand même quelque chose d'assez curieux, c'est complètement normalisé, mais en vrai, c'est assez curieux. Et donc, le travail a cette fonction sociale aussi, on se définit par rapport à lui. C'est sûr que pour nous, pour écrire des chansons, sachant que dernièrement, en plus de ça, il y a eu beaucoup d'interrogations, notamment à partir de 2020, parce que quand beaucoup de gens se sont retrouvés confinés, d'un coup, ils avaient du temps libre devant eux. Et ils se sont dit, mais est-ce que c'est normal d'aller d'aller passer autant de temps dans un endroit qui parfois est une vraie souffrance. Et je trouve vraiment très bien et très intéressant qu'on ait un peu repris ce rapport vis-à-vis du travail, alors qu'il est des fois caricaturé, hein, entre d'un côté l'injonction à aller bosser et de l'autre côté le droit à la paresse. Je crois qu'il y a un juste milieu qui est à trouver. Et tel Sisyphe qui pousse son rocher sur une pente glissante, parfois l'on se perd, c'est ce que tu viens de dire, et on ne sait pas si on travaille pour vivre ou si on vit pour travailler. C'est le thème de votre single Workers Morning Blues qui est sorti en avril. Oui, un petit clip comme on sait bien les faire, toujours avec un peu d'humour. Il faut rigoler un petit peu quand même. Oui, c'est un peu sarcastique quand même. Pas là pour s'emmerder, hein. C'est ça. Et puis pour les personnes qui ne comprennent pas forcément l'anglais et qui voilà ne sont pas comme le dit toujours David familiers avec la langue de Shakespeare et de Donald Trump, ce clip-là en particulier, il est assez démonstratif au niveau des images. Je crois qu'il y a juste à écouter la musique, à regarder les images et on a compris le thème, quoi. Alors pour les images, je peux rien vous promettre présentement puisque nous sommes en radio sur Fadjet dans Couleur Locale au 94.2 FM à Nancy et sur Fadjet.net avec Two Magnets duo folk blues de Strasbourg. Et par contre pour l'audio, on va écouter Workers Morning Blues, le single sorti en avril, et on se revient après pour la suite et la fin de cette interview. Restez avec nous. Woke up this morning and felt the blues too high. Fold about the things I have inside. Turn on the radio and didn't like the flow. Always the same old thing, the same bullshit to show. Work, work, work, and you'll be free, my boy. Now go, go, go, there'll be a break, you know. You need money to consume. So consume your money. You need to keep some to give love to your honey. Today you'll succeed in your life. Your country will thank you, and so will your wife. Today you're making good business, and you'll find your happiness. Jump into a train full of shadows, traveling the city and watching through the windows. Together but alone, cause we knew from the start, those directions will make us fall apart. Strife sweat down, I run for you my bow. No go, go, go, the times have changed, you know. Money to consume, so consume your money. You failed to keep some cause, the promise wasn't true. Today, you question your life, your country, and maybe your wife. Today, you got nothing. feel nice in your shoes. You gotta sing the workers' morning blues. If you think you ain't born to lose, you're feeling the workers' morning blues. The workers' morning blues. The workers' morning blues. Workers Morning Blues de Two Magnets, duo folk blues issu de Strasbourg. On est avec Sophie et David sur Fadjet dans Couleur Locale. Si vous avez raté l'émission, elle sera disponible sur mon Spotify for Podcaster sur Fadjet.net pendant une semaine. Couleur Locale, les samedis 13h et les dimanches à midi, on est là depuis maintenant, je crois, 7 saisons. Putain, le temps passe vite et je dis des gros mots. Two Magnets sur Bandcamp, Facebook, Instagram, YouTube, twomagnets.musica@gmail.com. Évidemment, on balancera tous les liens sur les réseaux. N'hésitez pas à suivre Fadjet-6 Couleur Locale, s'il vous plaît. J'ai besoin de followers pour sortir de mon boulot administratif et enfin vivre de ma passion, s'il vous plaît. Merci, chers auditeurs. Ce serait vachement sympa. À vous, Sophie, David, est-ce que ça va toujours? Pas bien. Toujours très, très bien. Ouais, nickel. Nickel, chromatique. On écoute cette expression de boomer. On écoutera un dernier, votre dernier single en fin d'émission. Donc, ce sera Never Ending Summer, un single qui a aussi pas mal de choses à raconter, puisque j'ai bien compris que c'est votre dada de raconter des choses, de faire des chroniques sociales, comme vous l'avez dit. Oui, on aime bien raconter des histoires. Eh bien, moi, j'aime bien raconter des histoires aussi. Je vais vous raconter une petite histoire. Est-ce que vous le voulez bien? On t'écoute. Ouais. En fait, c'est plus un jeu. Je vais vous raconter une histoire et vous allez me dire laquelle de ces deux histoires vous inspirerait le plus, une chanson ou un texte, voire les deux. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Go. Let's go. Right. Vous rentrez d'une tournée. Vous êtes éreinté. Vous êtes dans un train. Il est 18h. Le soleil se couche, vous l'observez par la vitre du train. Vous entendez des sons, vous sentez des odeurs, c'est peut-être le café de la personne derrière vous, peut-être le cliquetis du train sur les rails, je ne sais pas. Vous vous assoupissez, vous regardez ce soleil qui veut autant dire la fin, mais le renouveau, puisque après le jour, il y a la nuit, après la nuit, il y a le jour. Et cela vous inspire une chanson, une mélodie, alors vous vous concertez, vous notez quelque chose, peut-être que vous fredonnez. Ou vous vous réveillez en pleine nuit, dans votre lit. Alors, vous pouvez être chacun dans un lit séparé. Je ne sais pas si vous êtes ensemble dans le lit. Ce n'est pas le sujet. Arrêtez de m'embêter. Vous vous réveillez dans votre lit. Il y a quelque chose de bizarre dans ce réveil. Il est 3h du matin et pour ceux qui savent un peu la signification des rêves et des réveils, 3h du matin est une heure qui peut dire beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a ce rêve, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce rêve, mais vous savez que c'est important. Il y a peut-être eu un son, une mélodie, un contexte, un environnement. Vous ne savez pas, mais c'était là. Et vous savez aussi que les rêves ont tendance à s'évaporer de notre esprit dans les premières secondes dès le réveil. Alors vous prenez un carnet, vous prenez un dictaphone, votre portable, votre ordinateur, un pigeon voyageur, je ne sais pas, et vous commencez à noter, vous commencez à chanter, puisqu'il y a forcément quelque chose derrière. Alors plutôt train soleil couchant, plutôt réveil nocturne inspirant, les deux, aucun des deux. David. Moi, je pense que le fait de se réveiller en pleine nuit et de noter tout de suite ses rêves au risque de les oublier, ça peut être un thème intéressant et qui peut avoir plusieurs sens et qui pourrait très bien coller à Sophie qui aime bien raconter ses rêves tout de suite le matin au réveil et qui les a oubliés une demi-heure après. Ah ben, pendant un petit moment, c'est vrai que j'avais mon carnet à rêves. Donc voilà, pendant plusieurs mois, en fait, dès que je me réveillais, je notais tous les détails qui étaient possibles de noter. Et après, j'ai perdu l'habitude parce que j'ai plus pris le temps de le faire, tout simplement. Mais ça m'a quand même inspiré pas mal de choses. Très, très bien. On en apprend beaucoup sur les musiciens avec ce type de mise en situation. Merci Sophie et David de Two Magnets. Vous nous venez de Strasbourg, duo Folk Blues. On vous retrouve en concert prochainement le 24 novembre à l'espace Ried Brun à Mutzenheim. Pardon si je le prononce mal. Oh, c'était pas mal, c'était pas mal. C'est pas mal. Et le 20 décembre, le Korrigan à Strasbourg. Tout à fait. C'est quand même déjà pas mal. L'hiver va arriver, on est sur des dates d'hiver et vous le savez, eh bien, même si parfois on se plaint de l'hiver, eh bien, il faut qu'il fasse froid, il faut qu'il fasse chaud, il faut que la valse des saisons continue. Il en va de notre équilibre et de notre équilibre planétaire, puisque l'été qui s'éternise est un rêve, mais ce n'est pas forcément une solution, n'est-ce pas ? On dirait que tu parles d'une de nos chansons. Ah bon ? Ouais. Never Ending the Summer, qui parle du changement climatique, votre dernier single sur YouTube. C'est un peu ça le message. C'est totalement ça le message. C'est une chanson qui est écrite à la première personne, où on suit les pensées, les tourments d'un personnage. On ne sait pas trop qui est cette personne, hein, homme, femme, peu importe. Mais en tout cas, il raconte à quel point il déteste l'hiver, il déteste le froid, la neige, tout ça, c'est vraiment très peu pour lui. Et il voit dans le réchauffement climatique de quoi réaliser son plus grand rêve, celui d'un été sans fin. C'est beau. Moi, je suis déjà. C'est un égoïste, quoi, en gros. Mais... Ouais, c'est vraiment un enfoiré, hein. On va donner son nom, son prénom, son numéro de portable. Et Très bien, et ben je vous propose de nous laisser là-dessus et je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Sophie, David de Too Magnets, on rappelle que vous êtes sur Bandcamp, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Et toutes les plateformes en fait. Toutes les plateformes avec un EP, deux albums et deux singles qui sont déjà à disposition. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et on continuera à vous suivre sur les ondes de Fadjet. Merci Sophie, merci David. Merci à toi. Merci beaucoup. Et bonne fin de semaine à tous les auditeurs et auditrices de Radio Fadjet. Merci pour eux. Et la fin de semaine sera très bonne avec votre programmation musicale dès lundi matin. C'est Fadjet. Service compris, votre matinale avec le café et les croissants. Quant à moi, je vous retrouve le week-end prochain, samedi à 13h, dimanche à midi, pour un nouveau Couleur Locale. Et d'ici là, n'hésitez pas à regarder Spotify for Podcaster, Pierre Mercier, Fadjet, avec les podcasts des précédentes émissions. À bientôt, chers auditeurs, sur vos ondes Fadjet. C'est plus qu'une radio. Ciao, bye bye. The months of June, lasting 300 days. A morning moon and 40 foot waves. Let the dream come true.